c'est en chaîne. Je suis le ruisseau qui se promène à travers une armée de pierres, à travers une armée de pierres. Fermerai ma main.